Les éditions de l'Avenir présentent Complot sur Alpa, une aventure de Carl Inouvi, adaptée du roman de Christian Martin, paru à l'origine en 1998. Ezoa, dans le rôle de Carl Terob, et Christian Martin à la narration. Chapitre 5. Longue marche vers Inipé. Albert ? Albert, tu m'entends ? Pauvre Albert, le choc de l'accident ne lui a pas fait de bien. Mon petit Carl, tu ne peux compter que sur toi-même désormais. Bon, allons voir de plus près l'étendue des dégâts. La portière s'ouvre normalement. Tout n'est pas perdu. Évidemment, ça ne pouvait pas être aussi simple. En tombant, le glisseur s'est enfoncé dans une bonne trentaine de centimètres de neige que le vent pousse à l'intérieur. Avant même de pouvoir sortir de ce débris, il va me falloir pelleter. Voilà ce que je cherchais. La pelle. Aussi bien prendre aussi les raquettes. J'avance bien. Encore un effort et me voici à l'avant du véhicule. Ouf. Aïe, aïe, aïe. Le nez est tout fripé. Pourvu que... Voyons un peu dessous. Ice, le coussin est fissuré. Et comme cette pièce produit le champ électromagnétique permettant au glisseur de se déplacer, tu es bloqué au sol, mon petit Carl. Je n'ai pas trop le choix. Je dois demander de l'aide. Quand je lui apprendrai ce qui s'est passé, maman va me passer un de ses savons. Maman ? Suis-je bête ? Si Albert est hors service, il ne peut pas relayer l'appel, bien sûr. Heureusement, il y a un vidéocom d'urgence dans le compartiment de secours. Ah, le voici. Maman ? Maman, tu m'entends ? Maman ! Entre la maison et moi, il y a la chaîne du gruyère qui bloque les ondes, sans doute. Un appareil de secours ne sert pas à grand-chose quand le moindre obstacle l'empêche de fonctionner. Que vais-je faire maintenant ? Je n'ai pas le choix. Je vais devoir me débrouiller tout seul. Et cela signifie marcher. Si je retourne vers la maison, j'en ai pour 2 jours. Mais je ne me rendrai pas à destination. Le glacier n'offrant aucun abri contre les nuits glaciales d'Alpa. Je serai mort de froid avant d'arriver. Reste la route de l'ouest vers Inipé qui longe la chaîne du Gruyère. Cela constitue une marche de 3 jours, mais les nombreuses grottes et cavernes du Gruyère m'offriront un abri nocturne. Ce sera donc Inipé. Mais pas aujourd'hui, car Atusa se couche déjà. Je passerai la nuit dans le glisseur et partirai demain. Malheureusement, pendant ce temps, je ne cherche pas nos vies. Mon pauvre bébé, et toutes ces heures perdues pour échouer dans la neige, quelle perte de temps! Oh oh, voilà le vertige qui me reprend. Karl ne le combat pas, se contentant de fermer les yeux. De nouveau, il a l'impression d'être étendu sur une surface métallique. Devant lui, il voit un bébé niche. Un seul. Qu'est-il arrivé au deuxième? Le phénomène disparaît aussi brusquement que la fois précédente, mais Karl met beaucoup de temps à reprendre pied dans la réalité. Où suis-je? Ah oui, dans notre glisseur. L'accident. J'ai sommeil. J'ai tellement sommeil. Le lendemain matin. J'espère que je n'oublie rien. Voyons voir. J'ai le duvet thermique, le poste vidéocom portable, des barres nutritionnelles de survie, la lampe torche, la corde de nylon, le canif multilame, le briquet et bien sûr les raquettes. Je suis prêt. En route pour Inipé. Il est plus que temps de chercher un abri pour la nuit. Déjà, Atusa descend à l'horizon. Mais ça ne devrait pas poser problème. La chaîne du Gruyère porte bien son nom. Elle est aussi trouée que le fromage du même nom. Toutes ces grottes sombres dans les flancs enneigés m'ont donné l'impression d'être observée toute la journée. Il s'agit maintenant de choisir la moins sinistre d'entre elles. Celle-ci fera l'affaire. La pente pour y accéder n'est pas très abrupte et près de l'entrée, la couche de neige paraît mince. Bon, à partir d'ici, ça monte trop pour pouvoir poursuivre en raquette. Il faut les retirer. Voilà, c'est fait. Et maintenant, allons un peu explorer cette grotte. Il fait très noir là-dedans. Où donc ai-je mis la lampe torche? Oh oh, je ne suis pas le premier arrivé. Quel est l'animal qui m'invite aussi gentiment? Si c'est un héniche sauvage, j'ai encore une chance de m'entendre avec lui. Il s'approche. Il me semble que je peux presque le distinguer. 2 yeux rouges. Non, ce n'est certainement pas un héniche sauvage. Pas de panique, mon petit Karl, pas de panique. Il avance encore. Un groin humide flanqué de 2 défenses. Ice, un grognon. Ces sales bêtes chargent sur tout ce qu'elles voient. Le seul moyen que j'ai de m'en tirer est d'accrocher son regard et de ne pas le lâcher. Et cela tout en reculant doucement. surtout pas de gestes brusques. Mais en reculant d'un autre pas, le pied de Carl s'enfonce dans la neige et le garçon ne peut s'empêcher de regarder derrière lui. La gaffe! Sauf qu'il peut... Il me rattrape. Une dernière chance. Me jeter sur le côté. Aïe! Ma cheville! Je l'ai cassée, c'est sûr! Mais où est passé le grognon? Là, près du gros rocher. Il semble tout étourdi. Ah, je comprends. Il a bondi au moment même où je me suis jetée dans la neige et il est allé se frapper la tête contre le rocher. Mais il ne restera pas désorienté bien longtemps. Ça a la tête dure, ces bestioles-là. Tiens, qu'est-ce que je disais? Cette fois, c'est la fin. Ma pauvre maman. Après avoir perdu son compagnon de vie, voilà qu'elle perd son fils. Et nos vies. Oh, nos vies. Tous les alpins le savaient. Quand mourait un adopté humain, son héniche, incapable de supporter la cassure télépathique, le suivait aussitôt dans la mort.